Personne parmi nous ne possède la capacité de vivre selon la volonté de Dieu si le Saint-Esprit ne vit pas en lui. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Les prisons sont remplies de gens qui se sont vus forcés de renoncer à leur liberté. La plupart connaissent précisément la durée de leur sentence et comptent les jours qui les séparent de leur libération. Or, ne trouveriez-vous pas bizarre qu'un détenu décide de demeurer derrière les barreaux une fois sa peine terminée? Effectivement, ce genre d'attitude étonnerait. Pourtant, c'est exactement le genre de vie que plusieurs croyants ont décidé de mener. Dieu nous a affranchis de la puissance du péché, et pourtant, beaucoup de chrétiens ont volontairement renoncé à leur liberté en succombant à la tentation. Si c'est votre cas, vous pourrez apprendre comment quitter votre prison et expérimenter cette liberté qui vous appartient déjà. Voici Charles Stanley. Il existe trois niveaux de maturité spirituelle et nous nous situons tous à un de ces trois niveaux. L'apôtre Paul désigne le premier niveau comme étant celui de l'homme naturel ou de la femme naturelle. Il s'agit du niveau le plus bas. La personne qui vit dans cet état est caractérisée par un aveuglement spirituel. Elle dit que les choses de Dieu ne sont que folie. Elle ne comprend pas la vérité spirituelle, car elle cherche à lui résister. Pour elle, les vérités spirituelles ne sont que des balivernes, car la seule sagesse qui lui est accessible est la sagesse humaine. On se rappelle les paroles de l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 23. « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » L'homme naturel rejette les choses de l'Esprit de Dieu. Elles n'ont aucun sens pour lui. Or, s'il meurt dans cet état sans Christ, il sera éternellement séparé de Dieu. Le niveau supérieur est celui dans lequel Dieu veut que nous nous situions. C'est le niveau qu'il avait prévu pour nous. Il s'agit du meilleur niveau parce que Dieu nous aime et il désire pour nous ce que la vie peut nous apporter de meilleur, aujourd'hui et à jamais. Les gens situés à ce niveau ont une attitude complètement opposée à ceux du niveau inférieur, car l'homme naturel résiste à la vérité de Dieu. Il ne comprend pas les choses de Dieu. En conséquence, il évalue la vie en fonction de ce qu'il peut voir. Qu'en est-il des personnes qui ont atteint le niveau supérieur? Premièrement, nous avons personnellement accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et comment évaluons-nous la vie? Nous recherchons la sagesse de Dieu et non celle des hommes. Nous voulons connaître la pensée et la volonté de Dieu. Nous aimons lire sa parole et l'étudier. Nous allons à l'Église dans le but de mieux comprendre cette parole de Dieu. Nous désirons l'approfondir et la mettre en pratique dans notre vie. Nous voulons en témoigner. Nous ne résistons pas à la vérité, mais nous la désirons. Notre prière est « Seigneur, montre-moi la vérité et attire-moi à toi ». Et quand nous faisons connaître ce genre de besoin à Dieu, il nous montre sa vérité. Contrairement à l'homme naturel qui résiste à la vérité, l'homme spirituel la désire. Il développe pour elle un appétit vorace. Il la met en pratique quotidiennement. De plus, il est merveilleusement impatient de témoigner de la vérité. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous sommes en sécurité pour l'éternité, car nous avons été scellés du sceau de notre propriétaire, Dieu, car nous lui appartenons par la présence du Saint-Esprit qui habite en nous. Telles sont les caractéristiques de l'homme spirituel ou de la femme spirituelle. Ses agissements paraissent contre nature aux yeux des incroyants. Ces derniers ne comprennent pas en effet pourquoi l'homme spirituel vit de cette façon. Or, l'Esprit de Dieu lui a révélé tellement de sa vérité et il en a assez compris pour ne plus avoir à s'inquiéter et à s'impatienter face au futur ou même face au présent. L'homme spirituel sait donc que Dieu contrôle sa vie. Il existe donc, d'une part, au niveau inférieur, des gens qui vivent sans le Christ Jésus. Et nous trouvons, d'autre part, au niveau supérieur, ceux qui marchent dans la puissance du Saint-Esprit. nous allons maintenant parler du troisième niveau qu'on pourrait qualifier d'intermédiaire. Les personnes situées à ce niveau sont en quelque sorte assises entre deux chaises, ce qui est, bien sûr, une position assez inconfortable. Une personne située à ce niveau est attirée à la fois par le niveau inférieur et le niveau supérieur. On peut imaginer le déchirement qu'elle doit continuellement subir. Voyons comment la Bible décrit cet état dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. L'apôtre Paul les considère comme des frères. Il s'agit donc de chrétiens. Ils sont donc sauvés. Ils n'appartiennent donc pas au niveau inférieur. Or, ils ne semblent pas non plus appartenir au niveau supérieur. Il y a donc manifestement un problème. Paul allègue que ces individus sont charnels et qu'ils n'ont pas atteint un niveau de maturité en Christ élevé. Continuons notre lecture au verset suivant, le verset 2. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. » Comme un bébé qui n'a pas encore les dents nécessaires pour mastiquer, les interlocuteurs de l'apôtre Paul se sont avérés incapables de digérer la nourriture solide. Lisons la suite du chapitre pour comprendre pourquoi, verset 3. « Parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Lorsque Paul dit qu'il marche selon l'homme, cela signifie que ce genre d'individus ont encore l'attitude d'homme naturel. Quand il utilise le terme « charnel », Paul tente de leur faire comprendre qu'ils marchent encore selon la chair. Ils sont dans un état de faiblesse spirituelle. L'apôtre Paul utilise aussi ce terme pour parler d'un potentiel en nous, d'une puissance qui tend à nous attirer vers le péché et à nous faire régresser vers le niveau intermédiaire, en rebranchant notre pensée sur des choses dont Dieu nous avait délivrés. Ce potentiel nous dirige vers le péché aussi longtemps que nous vivons dans un corps naturel à cause des sens que nous possédons. Et même si nous sommes délivrés du péché par la puissance de Dieu, nous avons toujours en nous la capacité de pécher contre Dieu. Nous avons encore le potentiel de lui désobéir. Au niveau supérieur de maturité spirituelle, vous pouvez encore décider de renouer avec votre ancienne manière de vivre, mais vous y serez malheureux. Non seulement aurez-vous la nostalgie de votre premier amour pour Dieu, mais vous serez assujetti à la discipline de Dieu dans le présent, et au jour du jugement, vous serez perdant. Vous serez un perdant face aux récompenses que Dieu réserve aux croyants. Examinons à présent l'identité des résidents de cet état intermédiaire. L'apôtre Paul les décrit comme des êtres charnels parce qu'ils se sont avoués vaincus devant leurs pulsions naturelles. La différence entre l'homme intermédiaire et l'homme naturel tient du fait que ce dernier ne connaît pas Dieu et qu'il vit sans lui. L'homme intermédiaire, quant à lui, se trouve en Jésus-Christ. Il a Dieu dans sa vie, mais il ne trouve pas de satisfaction à lui obéir. Il est encore une cible du diable et se laisse séduire par ses tentations. Voilà pourquoi ces chrétiens que je viens de décrire sont encore charnels. Ils croient en Dieu, reconnaissent personnellement Jésus-Christ comme leur sauveur, mais ils vivent encore dans la chair. Cette attitude se reflète dans leur comportement car ils agissent de façon puérile, comme des bébés. Ils ont de la difficulté à mettre en pratique la parole de Dieu dans leur vie et en conséquence, ils éprouvent de la difficulté dans leur relation avec les autres. Ce diagnostic est particulièrement évident dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 2 et 3. Vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? L'homme charnel ne se conduit pas en conformité avec sa vraie nature. Il est comme un adulte qui se conduit comme un bébé. Pourtant, il est un enfant de Dieu. Il possède la pensée du Christ et il peut penser comme Christ quand il a décidé de le faire. Or, trop souvent, il préfère le niveau inférieur à sa condition réelle. Il décide librement de rétrograder et de se placer entre le niveau supérieur et le niveau inférieur. Or, on ne peut pas vivre entre deux mondes. On ne peut pas obéir à Dieu et avoir les deux pieds fermement ancrés dans le système du monde. Cela ne peut pas fonctionner ainsi. C'est pourquoi l'Église est constituée de millions de gens qui vivent dans une insatisfaction profonde. Ils ne peuvent pas vraiment se situer sur le plan spirituel. Ils ont donc conclu que la vie chrétienne n'est pas ce qu'elle serait supposée être. Et que font-ils alors? Ils se disent qu'ils ont essayé de vivre chrétiennement, mais que cela n'a pas fonctionné. Ils se sont sentis incapables de vivre selon les commandements de Dieu. C'est une excellente chose. Moi non plus, je n'en étais pas capable. C'est tout à fait vrai, car personne ne possède la capacité de vivre chrétiennement sans le Saint-Esprit. Ces gens essaient de faire quelque chose et d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont des hommes naturels. Eh oui, l'Église de Dieu est remplie d'hommes et de femmes naturels. Examinons à présent les gens qui se situent au niveau intermédiaire. Qu'arrive-t-il lorsque nous ne renonçons pas à nous-mêmes? Qu'arrive-t-il lorsque nous ne nous donnons pas complètement à Dieu? Pour le savoir et pour découvrir à quel niveau vous vous situez, écoutez ce passage de 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, qui nous parle de la puissance de Dieu. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce dont nous avons besoin nous a été donné par Dieu. Comment réagissez-vous à cette parole? Avec gratitude ou avec scepticisme? Si vous êtes insatisfait de votre vie, bien que vous soyez sauvé, cela peut s'expliquer de 3 façons. Premièrement, peut-être ignorez-vous simplement la parole de Dieu. Vous n'êtes pas conscient des richesses dont vous disposez par la grâce de Dieu. Deuxièmement, vous avez peut-être mal compris ce qu'est la vie chrétienne. Vous trouvez normal de vivre cet état intermédiaire, cette existence entre deux mondes, car la plupart des chrétiens autour de vous vivent de cette façon. Il n'est donc pas étonnant que vous fassiez comme eux. Cela doit être normal pour vous de vivre dans le péché aujourd'hui et pas demain, de vivre ses hauts et ses bas dans la grâce et sans la grâce. Et c'est probablement pourquoi vous en êtes là. Or, si vous pensez pouvoir vivre de cette manière, une des raisons principales, peut-être la plus importante, est que vous n'avez pas encore renoncé à un aspect ou à plusieurs aspects de votre ancienne vie. Quelque chose vous tient encore sous son pouvoir. Vous n'êtes pas prêt à vous en détourner. Il peut s'agir d'une tentation, d'un désir ou d'un besoin de sécurité matérielle qui s'érige en obstacle entre vous et Dieu. Ou peut-être s'agit-il d'un appel de Dieu dans votre vie auquel vous ne voulez pas répondre. Et vous vous demandez sans doute pourquoi vous menez cette double vie. Vous vous trouvez entre deux chaises, car vous voulez retenir une partie de l'un des niveaux et une partie de l'autre. Et les non-croyants autour de vous se demandent sur quel pied vous dansez. Ils vous entendent dire que vous êtes un chrétien, que vous êtes un disciple du Christ, que vous aimez Dieu et que vous voulez lui obéir. Pourtant, vous agissez comme eux. Or, aussi longtemps que vous accepterez ce déchirement, votre témoignage en tant que chrétien sera voué à l'échec, car vous le détruisez au fur et à mesure. Pire, vous nuisez aux gens autour de vous. Vous nuisez à ceux qui désirent sincèrement connaître la vérité sur Dieu, mais qui ne savent pas par où commencer. Vous croisez sans doute chaque jour des dizaines de personnes qui ne connaissent aucun chrétien. Elles ne savent pas comment réagir à leur soif spirituelle. Elles n'ont personne à qui parler. Et, tout à coup, elles font la rencontre de quelqu'un assis entre deux chaises. Aussi, elles ne savent pas quoi demander. Elles demeurent perplexes, car au moment précis où elles aimeraient vous poser des questions, vous leur jetez tout à coup votre chair, votre vieille nature en pleine figure. Et vous vous défendez en disant que vous ne pouvez pas être parfait en tout temps et que Dieu ne s'attend pas à la perfection de votre part de toute manière. Il sait que vous n'êtes pas parfait. Or, vous pouvez marcher dans l'Esprit de Dieu. Que faut-il faire pour y parvenir? Comment réagit une personne qui se situe au niveau supérieur et qui tombe dans le péché? Elle ressent un chagrin, un regret immédiat. Elle se confesse instantanément. Elle se repent complètement. Elle ne se contente pas seulement de dire « Ô Seigneur, je suis désolé. Pardonne-moi au nom de Jésus. Amen. » Je reviendrai là-dessus plus tard. L'authentique repentance s'exprime par des actes, un changement de comportement, car pour un enfant de Dieu, il existe des attitudes intolérables. Un changement doit donc se produire dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'une personne vit à un niveau supérieur de maturité spirituelle qu'elle est exempte de trébucher ou même de tomber. Nous avons tous nos moments de faiblesse et de tentation et nous ne sommes pas toujours vainqueurs. Il s'agit alors de réagir. Il n'est pas question de continuer à vivre dans la défaite. Or, trop de gens renoncent et se retrouvent au niveau intermédiaire. Et quel est le résultat d'une existence à ce niveau? L'immaturité. Quoi dire d'une relation avec Dieu à ce niveau? La personne est sauvée et scellée par le Saint-Esprit. Son nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Elle ira certainement au ciel quand elle mourra. Même si Dieu devra la traîner jusqu'en haut, elle finira par s'y rendre. Car c'est par le sang de Jésus-Christ qu'elle a été sauvée et non par sa propre conduite. Cependant, d'ici ce temps-là, la personne éprouvera des difficultés. Quel genre de difficultés? Tout d'abord, Dieu devra constamment la corriger. Pour cela, il lui fera subir certaines épreuves. De plus, au jour du jugement, elle sera perdante. Pourquoi? Car elle aura gâché sa vie et gaspillé son temps à tenter de rester en équilibre entre deux chaises, entre deux niveaux, ce qui est impossible. Pas étonnant que l'on se demande pourquoi l'Église est si faible aujourd'hui et que les missionnaires sont si peu nombreux. Nous préférons juger les inconvertis et les considérer comme endurcis, plutôt que de nous remettre en cause. À chaque fois qu'un chrétien charnel s'assoit dans une église, il lui manque quelque chose. Car si nous entrions tous à l'église le dimanche matin et que nous nous situons au niveau de maturité spirituelle supérieure, nous n'aurions plus besoin de pasteur. Nous serions tous debout à témoigner de la grandeur de Dieu et à raconter son travail dans notre vie à longueur de journée. Nous serions tous debout à nous exclamer « Gloire à Dieu! Alléluia !» Un croyant rempli de l'Esprit est une personne qui se soumet autant que possible et volontairement au Saint-Esprit, qui se laisse contrôler par lui. Et quand tout un groupe parvient à cet état, vous pouvez être certain que les choses changent. Existe-t-il une différence entre une personne se situant au niveau intermédiaire et une autre se situant au niveau supérieur du point de vue de la relation avec Dieu? Non, absolument aucune. Les deux individus sont sauvés, scellés et en sécurité pour l'éternité. Par contre, leur condition n'est pas la même. Les gens qui se trouvent entre deux chaises ne sont pas joyeux. C'est ce qui me frappe quand je les regarde. Ils ne sont pas heureux, ni satisfaits, et pas réellement en sécurité. La plupart d'entre nous connaissent le Seigneur depuis assez longtemps pour savoir que ce niveau intermédiaire existe. Un chrétien peut s'éloigner de la volonté de Dieu. Il peut décider de lui désobéir, et quand cela se produit, il régresse et se retrouve au niveau inférieur. Et cela peut se remarquer par son comportement, son immaturité, car il n'agit pas en conformité avec qui il est. La personne qui se situe au niveau intermédiaire joue un rôle car elle ne se comporte pas de façon chrétienne et elle ne se comporte pas comme une non-croyante non plus. Elle ne peut être ni l'un ni l'autre car elle essaie d'être les deux à la fois. La personne qui se situe au niveau supérieur, par contre, ne joue aucun rôle. Elle se contente d'exprimer ce qu'elle est. Elle se contente d'exprimer la vie et la joie du Saint-Esprit qui habite en elle. Le seul endroit où vous trouverez la joie et la satisfaction est le niveau supérieur. Pouvez-vous toujours y rester? Je ne sais pas combien de temps vous allez y rester, mais je peux vous dire combien de temps vous pouvez y rester. Jusqu'à votre prochaine décision de désobéir à Dieu. La personne qui désire résider au niveau supérieur désire ardemment que Jésus-Christ contrôle sa vie. Elle veut obéir à Dieu. Or, bientôt, elle se laisse distraire par une tentation, un péché. C'est la chair, la vieille nature qui tente un coup d'État pour prendre le pouvoir. Oh, je sais que je ne devrais pas, mais juste un peu ne me fera pas de mal. Je peux arrêter quand je veux. Et que se produit-il alors? La vie devient une suite ininterrompue de haut et de bas. Voulez-vous être ce genre de croyant? Voulez-vous arriver au crépuscule de votre vie, regarder en arrière et vous dire « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et quand vous arriverez au jour du jugement, voudrez-vous perdre ou gagner? Car, vous savez, vous pouvez être un perdant même si vous êtes sauvé. La Bible dit très clairement « Vous pouvez perdre votre récompense éternelle ». Et quand la perdez-vous? Quand vous allez au ciel? Non, vous la perdez maintenant, immédiatement. C'est pourquoi il est si important de marcher dans l'obéissance. Le non-croyant du niveau inférieur résiste à la puissance de Dieu, à son esprit, à sa vérité, et se laisse dominer par sa propre nature pécheresse. Il est éloigné de Dieu. Il est sous son jugement. Il n'a aucune crainte de Dieu, aucun amour, ni aucun désir pour lui et aucune gratitude à son égard. Et s'il meurt dans cet état, il continuera d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Le croyant, du niveau supérieur, au contraire, est soumis à l'Esprit de Dieu. Il se sent en parfaite sécurité, car Dieu pourvoit à tous ses besoins. Le Seigneur contrôle sa vie et pardonne ses péchés si son enfant se repent rapidement. Enfin, le niveau intermédiaire. Si vous vous situez à ce niveau, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Sortez-en le plus vite possible. Sortez-vous de cette misérable vie. Comment? En vous soumettant à l'Esprit de Dieu. Il vous a rendu conscient de quelque chose au moment où je vous parlais. Et même encore en ce moment, il vous fait réaliser des choses. Que devez-vous confesser? De quel péché devez-vous vous repentir? À quoi devez-vous renoncer pour obéir à Dieu? Que devez-vous changer pour lui plaire? Vous pouvez sortir de cette impasse en implorant Dieu. Seigneur, c'est difficile, mais je le confesse. Je me repens de ce péché. Je te supplie de me permettre de m'en détourner et de m'en éloigner afin que j'aie une perspective de vie complètement différente et renouvelée. Ce niveau intermédiaire maintient ceux et celles qui sont sauvés par la grâce de Dieu dans ce piège misérable, mais vous n'êtes pas obligé d'y rester. Écoutez, vous pouvez lire votre Bible jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les oreilles. Vous pouvez prier des milliers de fois. Vous pouvez aller à l'église, vous faire baptiser, cependant. Le seul moyen de vous en sortir est de vous repentir sincèrement devant Dieu. Dites-lui que ce péché ne correspond pas à qui vous êtes. Car le fait de vous y accrocher, coûte que coûte, affectera votre vie. Remettre votre vie totalement entre les mains de Dieu n'est pas chose facile. C'est vrai. Or, je sais également que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à notre vie et à notre piété. Et si vous cessez de vous accrocher à votre péché et que vous commencez à croire en cette promesse, la puissance du Saint-Esprit vous permettra de marcher en lui. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ personnellement et que vous vous demandez quoi faire, écoutez, dites à Dieu, « Seigneur, j'ai entendu ce message. » Et j'ai pris conscience que je vis loin de toi. Je me repens de mon péché. Et je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ a payé la dette de mon péché sur la croix. J'accepte ton pardon en pensant à ce que ton Fils Jésus-Christ a fait pour moi. Et je le reçois personnellement comme mon Sauveur. Ne vous en faites pas. Si vous dites cette prière ou quelque chose de semblable, Dieu vous entendra et vous répondra. Votre péché sera pardonné et vous serez éternellement scellé par le Saint-Esprit de la promesse. D'autre part, si vous pensez vous situer au niveau supérieur, voici ce que vous devez faire. Déclarez à Dieu, « Seigneur, crée dans mon cœur un désir profond de n'entretenir aucune affection pour les choses de ce monde. Fais de moi un témoin plus fidèle que par le passé. Enseigne-moi à aimer plus qu'auparavant. Remplis-moi de ta présence, afin que toute personne qui me rencontre te rencontre par le fait même. » Et vous pourrez alors vivre cette merveilleuse promesse écrite dans Ésaïe, chapitre 58, verset 11. « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasira ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Quelle merveilleuse description d'un résident du niveau supérieur! Prions. Père, nous te sommes tellement reconnaissants. Comme tu as fait preuve de patience, comme tu as fait preuve de pardon, d'amour, de gentillesse et de bonté envers nous. Merci de nous aimer comme tu le fais. Et nous voulons simplement te dire merci d'être ce genre de Dieu. Et donne-nous le courage et la sagesse de répondre immédiatement et droitement à ton amour. Au nom de Jésus, amen. Jésus veut nous faire goûter à la vraie liberté. Or, nous devons choisir entre la libération de Dieu ou le plaisir momentané que semble nous offrir le péché. Dieu libérera le croyant de ses vieilles habitudes pécheresses, mais il doit collaborer à sa libération, comme nous l'indique l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 5 à 9. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous aimez les enseignements du Dr. Stanley, mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue « En contact » qui reprend ses enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.